الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهله وسلم أما بعد. طيب donc on va poursuivre dans le 19e hadith qui était le hadith de Ibn Abbas. قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام إني أعلمك كلمات يحفظ الله يحفظك يحفظ الله تجده تجاهك الحديث. Nous avons déjà pris dans ce hadith quel était le sens voulu par le fait de préserver Allah, ce qui revient à préserver ses limites, ses interdictions, d'appliquer ses obligations, de se tenir à son ordre, formellement à son ordre. Naam. Et que de là, Allah subhanahu wa ta'ala, en contrepartie, rendra cela comme une protection pour le serviteur. Ce qui revient à la fameuse expression qui est Al-jins ou Al-jaza min jins al-amal, que la rétribution est en mesure des actions. Si tu le fais en bien, cela te reviendra. Et si tu le fais en mal, cela te reviendra. Naam. Nous avions pris également le fait qu'il n'est pas possible pour la personne de se passer d'Allah subhanahu wa ta'ala, ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil, l'isti'ana. Que celui qui pense pouvoir se passer d'Allah subhanahu wa ta'ala, ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil, celui-là c'est un kafir. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nous l'avions dit. Nous avons pris également fa'idha sa'alta fas'alillah, que si jamais tu demandes, tu ne demandes qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné de l'invoquer, de lui demander. Et que celui qui n'invoque pas Allah subhanahu wa ta'ala ou qui invoque autre que lui, dans ce que seul Allah est capable d'accomplir, cela nous avons dit du shirk. Shirk akbar. Shirk akbar. Et que l'invocation, al-du'a ou al-ibada. Que l'invocation, c'est l'adoration. Et que des gens, comme parmi les gens des Soufiyas, eux voient que, comme égarement du fait que Allah subhanahu wa ta'ala sait ce qu'il y a dans ton cœur, et connaît l'avenir, et sait ce que tu désires, eux ils disent qu'il n'y a pas besoin d'invoquer car Allah sait déjà ce que je veux. Et de là, le Shia avait évoqué les Adillah qui démontrent que cette parole est une parole d'égarement, et qui contredit la voix des envoyés. Car les envoyés sont les gens les plus savants envers Allah subhanahu wa ta'ala, et malgré cela, ils l'invoquaient. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans son livre, donc combien de versets nous a ordonné de lui demander et de l'invoquer. Naam. Nous avions aussi pris le fait qu'il est blâmable de demander des biens aux gens sans raison nécessaire, valable, vitale, nous dirons. De là, nous avions parlé des jam'iyah, nous avons parlé de certains individus pour montrer que leur action était une contradiction à la législation et que le lien qu'il y avait entre nos paroles sur ces gens-là et par rapport à ce hadith, c'est que du fait que, dû à leur non-préservation des limites d'Allah, ces gens-là ont été éprouvés dans leur religion. Hein, ces gens-là ont été éprouvés dans leur religion. Ma bayna hizbi wa maftoun. Entre certains d'entre eux sont devenus des hizbi, d'autres des maftoun, sans avoir à revenir sur le sujet. Et nous avons vu également la partie que wa rajtama'at al-umma لِنْفَعُكَ بِشَيْ لَنْ يَنْفَعُكَ إِلَى بِشَيْ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ الْحَدِيثِ. Que nous avions vu que même si toute la communauté s'unissait en vue de t'apporter quelques profits, il ne pourra rien t'apporter si ce n'est que ce que Allah t'a déjà écrit, t'a déjà destiné. C'est chose qui amène au tawakkul ou à l'imène du qadar. Hein, le fait de croire au destin, qu'il soit beau ou mauvais. Que quoi que tu fasses, Allah, que ce soit en mal par rapport à ta personne ou en bien, Allah est le seul qui pourra t'accorder une chose ou te l'enlever. Et personne d'autre. Les gens ne sont que des causes. Les gens ne sont que des causes. Un frère peut t'aider dans une chose ou peut te nuire dans une chose en apparence, mais en vrai, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala l'avait prédestiné par cette personne, que ce mal devait t'atteindre ou que ce bien devait, que tu devais l'obtenir. Non. Chose qui amène, comme nous l'avons dit, à renforcer le tawakkul et le courage de la personne qu'il fasse que, quoi qu'il arrive, qu'il ne recule pas et qu'il n'affrontera que ce que Allah lui aura prédestiné. Non. Et aujourd'hui, la troisième partie du Ders concerne cette version du hadith apportée par le Hakim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, toujours avec Ibn Abbas, lorsqu'il lui dit Irfazillah, Yahfazk. Irfazillah, Tajiduhu Amamak. وتعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن يصيبك وإنما أصابك لم يكن يخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا رواه الحاكم qui est préserve Allah tu le trouveras devant toi et reconnais Allah dans l'aisance il te reconnaîtra dans la difficulté. Et sache que ce qui ne t'a pas atteint ne devait pas t'atteindre. Et que ce qui t'a atteint devait t'atteindre. Et sache que le secours vient avec la patience. Et que la délivrance vient avec, on va dire, l'épreuve. Et qu'après la difficulté vient la facilité. Cette partie-là, le Shir ne l'a pas expliqué dans son livre. Ne serait-ce peut-être qu'un passage vite fait que nous allons prendre. Et le reste, je prendrai, Inch'Allah, du charh de Shir Salih al-Shir, qui était le plus complet par rapport au sujet, quand même dans le charh de Shir Fozen, c'est assez résumé. Et le charh de Shir Othaymin, Kazalik, et le charh d'Ibn Rajab, eh bien, c'est contraire, il est très long. Donc, j'ai trouvé le Mutawassat. Donc, tout d'abord, on va commencer par ce que Shir Yahya lui-même a dit. Dans la partie, cette partie du hadith, cette deuxième partie du hadith, est similaire à la première. C'est juste surtout par rapport à la fin qu'il y a une petite différence. Mais sinon, le sens est le même. Le sens est le même. Donc lorsque An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال تعرف إلى الله في راحة يعرفك في شدة. Dans cette partie, le Shir dit reconnais Allah dans l'aisance, il te reconnaîtra dans la difficulté. Il dit معناه أن الإنسان إذا كان في راحة يعرف الله ويتقرب إلى الله. ينجي الله عز وجل من الكرب ومن الفتن بسبب ما سبق من الطاعات من ذلك العبد. Donc il dit, le sens de cela, c'est que la personne, lorsqu'elle est dans l'aisance, la sécurité, la santé, tout cela revient à ce sens-là, qu'elle reconnaisse Allah subhanahu wa ta'ala et qu'elle se rapproche de lui. Et que par cette cause, Allah le sauvera, d'accord, le secourra des épreuves dur à surmonter, des difficultés, des troubles, des fitons, pour ce qu'il aura accompli comme acte d'adoration, acte d'adoration, lorsqu'il était capable de les accomplir. قال تعالى وذانون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له. Donc il dit, dans le sens, et Zounoun. Zounoun, c'est Younous, alayhi salam. Younous. Lorsqu'il s'en alla irrité du fait que son peuple n'a pas accepté son appel. Alors il pensa que nous n'allions pas l'affliger. Alors il appela dans les ténèbres. Quelles sont ces ténèbres? C'était le ventre du poisson qu'il avait avalé. Car il s'est fait avaler par un poisson, comme vous connaissez l'histoire. Donc de là, il invoqua Allah subhanahu wa ta'ala, en disant, La ilaha illa anta. Nulle divinité digne d'être adorée, si ce n'est toi. Subhanak inni kuntu min adh-dhalimin. Que tu sois exalté, je t'ai certes du nombre des injustes. Fastajabana lahu wa najjaynahu min al-gham. Wa kadhalika nunjil mu'minin. Alors, nous le sauvâmes de l'affliction. Et c'est de cette façon que nous sauvons les croyants. Nabiullahi Zanun da'Allah fi tilka shidda wa kana min as-salihin. Fastajaba Allahu lahu wa qala ta'ala falawla annahu kana min al-musabbihin labitha fi batnihi ila yawm yub'athun. Donc il dit, le prophète d'Allah, Younous, invoqua Allah lors de cette épreuve, lorsqu'il était dans le ventre du poisson. Et il était du nombre des vertueux, des hommes pieux. Hein, naturellement, vu que c'est un prophète. Alors Allah l'exauça. Et il dit dans le sens que s'il n'avait pas été du nombre de ceux qui exaltent Allah, qui font des tasbirs, il serait demeuré dans son ventre jusqu'au jour où il serait ressuscité. Ça veut dire quoi là? Dans le hadith, non, plutôt dans le verset, le shahid, c'est que du fait qu'il ait invoqué Allah subhanahu wa ta'ala, son adoration a fait que cela a été une cause que Allah le secourt lors de l'affliction. Naam. Donc ensuite, le shirk poursuit en disant Bisabab tasbihihi wa zikrihi lillahi ta'ala wa ta'arrufihi lillahi ta'ala najjahu Allahu min al-gham fi al-raha najjahu Allahu min tilka al-shada'id al-azima wa hafizahu fi dhulumat al-bahr wa dhulumat bat al-hut wa dhulumat al-layl wa qawluhu an lan naqdira alayhi ma'nahu an lan nudayyika alayhi thiqatan billah wa husnu dhun billah subhanahu wa ta'ala minhu alayhi salatu wa salam. Donc il dit que pour la cause de son tasbih, hein, qu'il exalte Allah, qu'il se dise subhanallah, comme cela est connu, et qu'il se rappelle Allah, qu'il fasse du zikr, qu'il a reconnu Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il était dans la sécurité et dans l'aisance. Quand on dit aisance, c'est pas forcément monétaire, c'est qu'il était serein, dans la sérénité on dira plutôt. Hein, c'est-à-dire qu'il était à l'aise, qu'il n'avait pas de problème de santé, qu'il n'était pas en situation d'épreuve dure. Non. Donc Allah le secourut de l'affliction. Et Allah le secourut de cette difficulté immense qui était, et l'a préservé dans les pénombres de la mer. Tout d'abord, car il y avait trois pénombres, trois ténèbres. Celle de la mer, en premier. Et la mer, on sait comment c'est large. Ensuite, les ténèbres du ventre du poisson. Et ensuite, des ténèbres de la nuit. Car apparemment, cette action-là se produisit durant la nuit. Et sa parole, lorsqu'il dit « An lan nagdilor alayhi » hein, le sens de cela, c'est qu'en fait, Yunus avait confiance en son Seigneur et qu'il savait que son Seigneur ne l'abandonnerait pas. Hein, qui n'allait point l'affliger. Donc de là, il fut secouru pour les adorations qu'il a commises lorsqu'il était dans la sérénité. Naam. Et maintenant, Shir va citer un exemple opposé à cela. Hein, en guise de controverse, un exemple opposé pour démontrer le cas de Fir'aoun, qui lui, l'anatollah alayhi, lors de son racha, de sa sérénité, qu'est-ce qu'il faisait lui? C'était un jabbar. C'était un tarout et voulait se faire adorer par son peuple. Lui, c'est tout le contraire. Allah lui a tout donné. Et au lieu de se rapprocher d'Allah, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'en est encore plus éloigné. Donc il dit, le shir, Hafizallahu ta'ala, wa fil anu, lamma ghulika fil bahr, qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bi banu Israel, wa ana min muslimin. Qala ta'ala lahu, al-an, wa qad asayta min qabl, wa kunta min mufsidin. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون كان في أشد الكرب فلم يغث لأنه لم يكن له أعمال صالحة يتعرف بها إلى الله في الرخاء. Lorsque Pharaon fut noyé dans la mer et qu'il dit que je crois qu'il n'y a pas d'autre divinité que celle en laquelle croient les fils d'Israël, et que je suis du nombre des muslimines, des soumis. Donc à quel moment est-ce que Pharaon dit ces paroles-là face à la mort? Au dernier instant, lorsqu'il allait se noyer, après que Moussa alayhi salam se sauva avec les d'Israël, et par la cause d'Allah, il ouvra la mer en deux. Et lorsque celle-ci se referma sur lui, Pharaon vit la mort, et à ce moment-là, voulut se mettre du rang des muslimines. C'est pour cela que Allah, dans le sens, lui dit « Maintenant, alors que tu as certes désobéi auparavant, et tu étais du nombre des corrupteurs. » Donc aujourd'hui, hein, dans le sens des paroles d'Allah, « Aujourd'hui, nous allons épargner ton corps afin qu'il soit un signe pour ceux d'après toi. » Et que beaucoup de gens sont certes inattentifs face à nos versets, ou nos signes plutôt. Donc là, Pharaon se trouvait dans, dans l'une des plus dures des situations, face à la mort, que la mère allait tomber sur lui. Et pourtant, il ne fut pas secouru. Pourquoi ? Car il n'avait aucune œuvre pieuse lorsqu'il était dans la sérénité et dans l'aisance, par lesquelles il reconnaissait Allah. Donc de là, Allah l'abandonna à son sort. Naam. Donc de là à comprendre, comme cela également viendra dans le hadith d'Ibn Omar, dans ce même matn, lorsqu'il dira « Kun fi dunya karabir sabil. Wa idha asbahta fala tantazir al-masa. Wa idha amsayta fala tantazir as-sabah. Wa khudh min sihatik li maradik wa khudh li hayatik li mawtik. » Comme cela va venir dans le hadith selon Ibn Omar radhiyallahu anhu, ou plutôt, je me rappelle plus si c'est un hadith ou si c'est la parole d'Ibn Omar en fait, lui-même, lorsqu'il dit, soit en ce bas monde comme une personne de passage qui traverse un pont. Car il est certain qu'un pont, personne ne s'installe sur un pont. Ce n'est pas un lieu pour s'installer, c'est un lieu de passage, pour aller d'un bout à l'autre. Et là, il fait allusion à quoi ? À la dunya par rapport à l'akhira, à l'au-delà. Donc toi, soit qu'une personne qui passe, qui traverse un pont, ne t'installe pas en cette dunya. Car à n'importe quel moment, tu peux être amené à partir, à mourir. Et que si jamais tu, le matin, n'attends pas le soir. Et le soir, n'attends pas à ce que vienne le matin. C'est-à-dire quoi ? Si tu as une chose à faire, fais-la tout de suite. N'attends pas. Car tu ne sais pas ce qui va t'arriver. Comme les koufars, ils disent, ils ont une expression, ils disent, ne remets pas à demain ce que tu peux faire le jour même. Ça revient à ça. Mais pour dire encore que nous, alhamdoulilah, en islam, leurs expressions, on les a déjà devancées. Leur sagesse, tout ce qu'on trouve comme sagesse chez les koufars, eh ben, elle a une origine en islam. Bien entendu. Ils n'ont rien inventé, ils n'ont rien apporté de plus pour faire profiter aux musulmans, si ce n'est, on va dire, le côté matériel. Hein, pour ce qui est des sagesses, du comportement, les koufars n'ont rien à apprendre aux musulmans, sachez-le. Walillah alhamd, notre religion, elle est complète. Donc il dit, dans ce hadith, n'attends pas, si tu as une chose à faire, fais-la, précipite-toi pour la faire. Et que, prends de ton temps de santé pour les jours où tu seras malade. Et prends de ton temps de vie pour le jour où tu mourras. C'est-à-dire anticipe, sois prévoyant, hein, devance les choses. Tel est le sens des paroles. Mais ce hadith, inshallah, viendra en son temps. Mais il a un lien. Hein, le ma'na et mutakarim. Donc là, on va prendre les paroles de Shir Salih al-Shir par rapport à ce passage. Donc il dit Qoluhu ta'arraf ilallahi fi raha ya'rifuka fi shidda. Donc reconnais Allah dans l'aisance, la sérénité. Il te reconnaîtra dans la difficulté. Ta'aruf al-abdu ila rabbi wa ilmuhu bima yastahiquhu jalla wa ala. Donc le fait que le serviteur reconnaisse Allah, c'est sa science qui sache que Allah mérite le droit d'Allah. Yani ta'lam ma yastahiquhu jalla wa ala alayka, ma yastahiquhu jalla wa ala minka, tuhiduhu fi rububiyyati wa uluhiyyati. وفي أسمائه وصفاته ما يستحقه جل وعلا من طاعته في أوامره طاعته فيما نهى عنه واجتناب المنهيات وما يستحقه جل وعلا من إقبال القلب عليه وإنابة القلب إليه والتوكل عليه والرعب فيما عنده وإخلاء القلب من الأغيار يعني من غيره جل وعلا واتباع ما يجيب ويرضى من الأعمال من أعمال القلوب. Donc il dit c'est le fait que tu reconnaisses le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala sur toi et le droit que tu dois lui rendre comme son tawhid dans sa seigneurie, dans sa divinité, dans ses noms et attributs, de ce qu'il mérite comme obéissance et dans l'application, le suivi de ses ordres et de ce qu'il a interdit, de s'éloigner de ce qu'il a interdit et de ce qu'il mérite comme consacration du cœur vers lui et de retour vers lui et de confiance envers lui. Et la convoitise à avoir envers ce qu'il détient. Et de dénuer le cœur de tout autre que lui. C'est-à-dire que ton cœur ne soit rempli que d'un désir ardent de se retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ce qui touche aux adorations. Hein, que ton cœur ne recherche personne d'autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Et de suivre ce qu'il aime et ce qu'il agrée comme acte du cœur. Nous avons dit que les actes sont divisés en actes corporels et en actes de cœur. Et le tawakkul, par exemple, c'est un acte de cœur. Un rorb, la convoitise, c'est un acte de cœur. Un rorb, ou plutôt un rorba, c'est un acte de cœur, le fait de convoiter une chose. Un rahba, c'est le fait d'avoir une forme de frayeur. Et c'est un acte du cœur. Un raja, l'espoir, el khawf, hein, la peur, tout cela sont des actes de cœur. Et ceci doivent revenir qu'à Allah subhanahu wa ta'ala avec les conditions que vous avez sûrement déjà prises, je pense, dans Usul Salat. Non. Donc ensuite, il poursuit en disant Yani, idh kunta fi raha'in min amrik, bihaythu kod ya'ti el ba'd, li ba'd nufus anna ghayr muhtajatin li ahadin. Huna, ta'araf illa Allah fi raha, wa utlub ma indahu, wa ta'allam ma yastahikuhu jalla wa ala, wa tabi'a dhalika bil imtithal. فإن هذا من الأفضل من أفضل الأعمال الصالحة بل ولب الدين وعماده العلم بما يستحق جل وعلا. Donc il dit que si jamais car beaucoup de personnes des fois sont dans la sérénité et s'imaginent qu'il se passe de toute personne, qu'ils ne sont en besoin de personne, hein? Des fois des gens lorsqu'ils sont, ils ont tout à disposition, la santé, les biens, la sérénité, le confort, ainsi de suite, se voient comme étant dépourvus du besoin d'aide de qui que ce soit, qui n'ont besoin d'aide de personne. Donc à ce moment-là, le serviteur, qu'est-ce qu'il dit? Il doit se rappeler d'Allah, subhanahu wa ta'ala, hein, qu'il désire de lui ce qu'il possède, ce qu'il détient, que tu saches ce qu'il mérite, comme nous l'avions dit. Hein. Et là, il répète le shir, que tu suives son ordre. Et que cela fait partie des meilleures œuvres pieuses. Voire même que cela est le pilier principal de la religion, le fait de savoir ce que Allah subhanahu wa ta'ala mérite, quel est son droit, hein, quel est le droit qui revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, le fait de l'appliquer. Le shir poursuit en disant إِذَا حَصَلَ مِنْكَ تَعَرُّفِ إِلَى اللَّهِ وَالتَّعَرُّفَ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عرفك الله في الشدة قال يعرفك في الشدة. Donc il dit que si jamais tu reconnais Allah subhanahu wa ta'ala, hein, que Allah lui-même te reconnaîtra dans les moments de difficulté. Non. Ensuite le shir, là je ne vais pas rentrer dans ce qu'il a écrit dans, car là il vient avec un tafsil sur le fait de différencier entre el ma'rifa ou el ilm. Le ma'rifa, souvent qui est traduit par le savoir en français, et l'ilm, c'est la science. Bien que pour nous, souvent en français, c'est un sens similaire, car des fois même le ilm est traduit par le savoir. Mais en arabe, une différence. Car ma'rifa, ça peut avoir le sens de se rappeler, de reconnaître une chose. D'accord? Et c'est, ça, c'est le sens que le shir a voulu mettre en évidence, car reconnaître une chose, qu'est-ce que cela peut impliquer? Que auparavant tu ne l'as pas connu. Donc cela, hein, il n'est pas possible que Allah subhanahu wa ta'ala n'ait pas connu une chose auparavant. Hein? Ta'ala amma yasifun. Donc là il dit quoi? Que el ma'rifa, ce n'est pas un attribut parmi les attributs d'Allah. Contrairement au el-ilm, à la science. Allah subhanahu wa ta'ala, là el ma'rifa dans le sens de ses actes. Car il y a une différence entre les noms d'Allah, entre les attributs d'Allah, entre les irbar, c'est le fait d'informer de ce que Allah fait. Et ça viendra, Inch'Allah, en son temps, si, Inch'Allah, l'occasion se donne, d'étudier Al-Qawaid al-Mufla ou d'autres livres dans la Aqida. Qu'il y a des choses dont Allah a informé, yani qu'il agit, et cela n'implique pas forcément qu'il s'agisse d'un de ses attributs. Et certains attributs d'Allah, cela n'implique pas forcément qu'on en déduit un nom, un de ses plus beaux noms. Il y a des règles à suivre par cela. Et Inch'Allah, ça sera un autre sujet. En tout cas, là, le chef va comprendre qu'elle ma'arifa, laissa min sifatillah. C'est-à-dire, elle ilm min sifatillah, que la ma'arifa, comme nous on dirait le fait de reconnaître, ou ainsi de suite, ne fait pas partie de ses sifat. Bien que là, qu'est-ce qu'il dit? Hein? Ya'rifuka Allah fi shidda. Là, c'est le fait d'informer d'une action d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais cela ne veut pas dire que parmi ces sifat, il y a le ma'rifa. Non. Donc attention, ça c'est encore un sujet qu'il faudra plus détailler, Inch'Allah, par la suite. Toi-même. Donc on poursuit, il dit, donc là, donc là il va ouvrir un sujet qui est que le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, que tu te sois rappelé de lui lors de la difficulté, ou plutôt lors de la sérénité, la sécurité, l'aisance, que Allah subhanahu wa ta'ala se souviendra de toi, se rappellera de toi, te reconnaîtra lors des moments durs. Et là ça revient à quel sujet encore? Sujet Al-Ma'iyya. Al-Ma'iyya, qui veut dire que Allah est avec toi. Al-Ma'iyya, c'est un mot en arabe qui vient du mot Ma'a. Ma'a, c'est un verf meken qui veut dire avec. Par exemple, tu dis Ana Ma'a Fulen. Je suis avec un tel. D'accord? Ma'a, ça veut dire avec. Wa Al-Ma'iyya, que Allah subhanahu wa ta'ala, il est Ma'iyya, avec ses serviteurs. Bel, voire même, Ma'iyatullah ala qismayn. Le fait que Allah soit avec ses serviteurs est de deux façons, de deux sortes. Al-Ma'iyya al-Amma, celle qui est générale, le fait que Allah soit avec ses serviteurs de façon générale, avec sa création. Ou Al-Ma'iyya al-Khassa, celle qui est spécifique pour des serviteurs en particulier. Ma'iyatullah al-Amma, que Allah soit avec toi, ou plutôt que sa création, de façon générale, c'est comme lorsqu'il dit Wa huwa ma'akum aynama kuntum, wallahu bima ta'maluna basir. Il est avec vous. Où que vous soyez, et Allah certes voit tout ce que vous faites, dans le sens. Hein? Donc ça, c'est de façon générale que Allah subhanahu wa ta'ala est avec sa création et voit tout ce qu'ils font. Et cette ma'iyya, avant d'entrer dans la deuxième, il faut savoir qu'il y a, elle est basée sur des preuves du kitab, de la sunna et l'ijma des salafs. Hein? Il y a un ijma, unanimité des salafs. Donc là, nous avons cité la première ma'iyya, celle qui est âme, que Allah subhanahu wa ta'ala est avec toute sa création, qu'il voit tout ce qu'ils font. Par sa science, d'accord, ce n'est pas par sa présence, du fait que Allah est dans sa création. Cela n'est pas possible. Et cela est du kufr de penser que Allah subhanahu wa ta'ala est à l'intérieur de sa création. Avec nous, que Allah est partout, comme on dit également. Et ensuite, il y a le ma'iyya al-khassa, le fait que Allah soit avec ses serviteurs de façon particulière. Comme il dit par exemple, lorsqu'il envoya Moussa et Haroun vers Pharaon pour lui parler, قال ربنا إننا نخاف أن يفوت علينا أو يطغى. Au Seigneur, nous avons peur qu'il outrepasse les limites sur nous. Allah subhanahu wa ta'ala leur dit quoi? لا تخافا إني معكما أسمع وأرى. N'ayez pas peur, je suis avec vous. Je vois et j'entends. Je vois et j'entends. Donc là, Allah précise bien qu'il est avec eux. Par quoi? Du fait qu'il va bien voir ce qui se passe et qu'il va entendre. Et non pas par sa présence. Également, dans l'histoire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec Abu Bakr, lorsqu'ils fuyaient de Quraysh et qu'ils se cachèrent dans une grotte, qu'est-ce qu'il dit? Allah dans le Coran, il dit quoi? Ith qalil sahibi, la tahzan, inna Allah ma'ana. Lorsqu'il dit à ses compagnons, ne t'attriste pas, Allah est avec nous. Là, c'est quoi? Al-Ma'iyya al-Khassa. Hein? C'est le fait que Allah soit ses serviteurs de façon particulière. Ou qu'Allah, dans le Coran, dit Inna Allah ma'a alladhina attaqaw wal ladhina hum muhsinun. Que certes, Allah est avec ceux qui craignent et ceux qui sont bienfaisants. Lorsque Allah définit une catégorie de personnes après avoir dit qu'il est avec eux, cela revient à Al-Ma'iyya al-Khassa, qui sont avec eux de façon particulière. Et lorsqu'il n'y a pas de précision et qu'il dit de façon globale que Allah est serviteur sans leur donner de descriptif, cela est la ma'iyya al-amma, ce qui est général. Donc, al-ma'iyya al-amma, ou plutôt al-khassa, c'est que Allah soit avec toi par son aide, son soutien et son secours. D'accord? C'est ça que ça veut dire, que Allah est avec toi, qu'il te soutient, qu'il te protège, qu'il te secourt. Et c'est cela le sens voulu par le hadith dans lequel nous sommes actuellement là. يتعرف على الله يعرفك الله في الشدة. Que Allah, dans les moments durs, il sera avec toi par son secours, par sa préservation. Il va t'apporter de son aide et son soutien. Vous avez un hadith également qu'il explique, comme dans le hadith rapporté par Anas, radiallahu anhu, par le même Bukhari. Lorsqu'il dit, رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم من خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر. Il dit que certes, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit qu'il y a des gens, lorsque plutôt Afwan, parce que Anas dit, lorsque nous revînmes de la conquête de Tabouk avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit il y a certes des gens derrière nous, hein, Al-Medina, que nous n'avons pas traversé de vallée, nous ne sommes pas passés en un lieu sans que ces gens-là soient avec nous. C'est-à-dire ceux qui étaient derrière Al-Medina, sans qu'ils ne soient avec nous. Ils ont été retenus par une excuse. Donc qu'est-ce qu'il veut dire par là? Ils sont avec nous. Est-ce qu'ils sont présents avec nous? Non. Car dans le hadith, il dit quoi? Au début, ils sont restés derrière Al-Medina. Mais ils sont avec nous, comment? Par leur soutien. Hein? Ils nous apportent soutien du fait que s'ils avaient pu, ils auraient été avec nous, seulement ils ont été retenus. Mais ils nous soutiennent. Ils sont avec nous, ils font des doigts pour nous, ils nous soutiennent. Ils nous portent secours comme ils peuvent. Bien que, par leur présence, ils sont ailleurs. Ou comme quand tu dis à quelqu'un, par exemple, qui a un problème à régler, et qui a besoin de ton aide, par exemple, il a besoin de ton aide, seulement tu ne peux pas être là avec lui. Tu dis, vas-y, t'inquiète pas, je suis avec toi. Hein? Tu dis, par exemple, ne t'inquiète pas, je suis avec toi. Ça veut dire quoi? Que tu as mon soutien avec toi. Tu auras mon aide, même si je ne suis pas là, par rapport à la créature. Donc, que dire de ma'ayatillah? Lorsque c'est Allah qui te dit qu'il est avec toi, que tu n'as rien à craindre. La tarzan, inna Allah ma'ana. Ne sois pas triste, car certes Allah est avec nous. Et regardez, regardez dans l'histoire de cette caverne, qu'ils étaient à deux doigts de les voir. Dans l'histoire qui est racontée lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr, était dans cette caverne, que les Quraysh, s'ils avaient juste bougé, ne serait-ce que de peu, et auraient regardé vers la caverne, ils auraient vu tout de suite. Seulement Allah a fait quoi? Il a couvert leurs regards et ne les ont pas vus. Personne ne les a vus. Alors qu'ils étaient à portée de vue. Vous pouvez les voir. Ce n'était pas une cachette immense, un truc trop dur à discerner. Non, très facile à voir. Cependant, Allah a détourné le regard de leurs ennemis et les a préservés. Non. Donc là, ça revient au hadith que si jamais toi, tu te souviens d'Allah dans les moments de sérénité, eh bien, tu auras droit, biiznillah, cette ma'iyah, lors des moments difficiles, que Allah va te soutenir, va te secourir. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'épreuve, mais que toi, tu dois garder un bon espoir et un bon doute envers ton Seigneur qui va te sauver, te secourir. Non. Ensuite, il reprend dans la partie. Lorsqu'il dit وَعَلَمْ أَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يُكِنْ يُسِيبَكَ وَأَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ يُخْطِئَكَ. Et sache que ce qui t'a atteint, ou plutôt ce qui ne t'a pas atteint, ne devait pas t'atteindre. Et que ce qui t'a atteint, le contraire, ce qui t'a atteint, lui devait t'atteindre. Hein? Hadha fil qadar. Wa man karaha qala wa alam an an-nasr ma'a as-sabr wal faraj. Wal faraj ma'a al-karb. Une différence, attention entre al-farj avec une fatha sur le fait et le faraj. Al-farj tout seul avec une fatha sur le fait, ça revient en partie génitale, partie intime de l'homme ou de la femme. Et le faraj avec une fatha sur le fait et sur le ra, ça c'est la délivrance, on va dire, le soulagement. Donc attention, des fois on peut se tromper, on voit le mot là, et quand quelqu'un ne connaît pas bien l'arabe ou des fois lit vite, il peut se tromper et prononcer l'un pour l'autre. Ce qui peut changer le sens complètement. Donc attention, Berlina. Al-Farj ou Al-Faraj. Et là, le mot que nous on veut, c'est Al-Faraj, avec deux fathas, sur le fait et sur le ra. Tamam. Donc il dit que le fait que ce qui devait t'atteindre t'atteindra, et ce qui ne veut pas t'atteindre ne t'atteindra pas, cela revient à la foi au destin. Que tu crois au destin, que Allah a déjà prédestiné ce qui devait t'atteindre. Et cela revient au hadith de Jibril, on a déjà parlé du destin du Qadar. Cependant, cela n'empêche pas de faire les causes. Et comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, I'amalu fa kullun muyassarun lima khuliqa lah. Lorsque les Sahaba dirent, alors en quoi œuvrons-nous? ne devons pas nous reposer sur notre livre, c'est-à-dire ce qui a déjà été créé et prédestiné pour nous. Il leur a dit non, œuvrez, car chacun sera facilité, hein, pour ce pourquoi il a été créé. Donc la personne ne se dit pas, c'est bon, Allah, il a tout écrit, donc j'ai rien à faire. Non, fais, car tu ne sais pas toi. Toi, tu ressens toi le libre arbitre, le choix que tu as. Cependant, si demain on te dit, est-ce que tu es des gens du paradis ou des gens de l'enfer, tu ne peux pas savoir. Donc toi, tu dois œuvrer en sorte d'être parmi les gens du paradis. Et de là, Allah subhanahu wa ta'ala, si tu as prédestiné le paradis, cela te sera facilité. Comme l'entrée dans la religion, la compréhension dans la religion, les bonnes fréquentations, le bon manhaj à suivre, la bonne aqida, et ainsi de suite. Allah va te faciliter. Contrairement à l'autre, à qui Allah a peut-être prédestiné l'enfer, que quoi tu lui dises, toi tu l'appelles à l'islam, et que lui, Allah peut-être mettra des choses devant lui pour ce qu'il sait de ce qu'il y a dans son cœur, comme orgueil ou autre, cette personne-là ne veut pas se convertir, ne veut pas l'islam. Donc de là, les voies lui seront rendues difficiles pour atteindre le paradis. Cependant, personne ne sait où est le devenir de chacun. Et comme le hadith l'a dit de Ibn Mas'ud, qu'il se peut que l'un d'entre vous œuvre des gens du paradis, et à la fin de sa vie, son livre le rattrape, et il œuvre des œuvres des gens de l'enfer pour y rentrer. Voilà, Azubillah est le contraire, pareillement. Que tu vois des gens aujourd'hui, soit des mécréants ou des gens dans l'égarement, et qu'il se peut que demain, ces gens-là soient des gens du paradis, et avant de mourir, ou à la fin de leur parcours, eh ben, la situation se retourne à leur avantage, qu'ils fassent du bien et qu'ils meurent là-dessus. On ne sait pas. Mais nous, on agit en fonction des apparences. Demain, un kafir, il vient, tu dis pas, oh, c'est un kafir, peut-être demain c'est un musulman, allez, je vais faire comme si c'était un musulman. Non. Tu lui rends son droit de kafir, tu te comportes avec lui comme un kafir. Hein? Un fasiq, pareil. Un pervers, pareil. T'as espoir qu'il se mette droit, cependant, tu te comportes avec lui comme un fasiq. Que tu ne fréquentes pas, que tu l'évites, tu lui fais de nasiha. Et pareillement, le mubtadi'a, l'innovateur. Il se peut que demain il fasse toba, qu'il revienne sur la droiture, cependant, toi tu restes avec lui sur des relations de sunni avec un mubtadi'a. C'est-à-dire, tu lui fais le hajj, tu mets en garde contre lui son innovation. Sans dépasser les limites, bien sûr, avec équité. Hein, faut pas être injuste envers lui, ni avec un mubtadi'a, ni avec un kafir. Non. Et ensuite il dit, et sache que le secours vient avec la patience. Et que la délivrance vient avec, après, les difficultés. Et que, après la difficulté, vient la facilité. هذا في الأمر بالصبر وإن مع الكرب يأتي الفرج وإن مع العسر يأتي اليسر كما قال تعالى عز وجل فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. Donc il dit que ce hadith indique qu'il faut patienter, il faut endurer les choses qui nous touchent. Et que lorsque tu as une affliction, eh bien la délivrance, ça viendra. Tu n'auras pas de délivrance sans qu'il y ait une affliction préalable, auparavant. Ce n'est pas possible. Sache-le, que si une délivrance vient, c'est qu'auparavant tu as été éprouvé d'une difficulté. Et pareillement, si demain tu as une facilité, c'est qu'auparavant tu as eu une difficulté. Non. J'ai un peu du mal à la différence dans la traduction entre Al-Karb ou Al-Usr. Al-Karb, c'est une affliction, ouais, et Usr, c'est une difficulté. Non. Plus dans ce sens-là. Ensuite, il cite une parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le sens où il dit, et certes, avec la difficulté vient une facilité, ou de la facilité plutôt, on dirait comme ça, et il répétera le verset, certes, avec la difficulté, vient de la facilité. Donc il dit, وَثَبَتَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لَنْ يَلْعِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْنِ. Dans un hadith, il est venu que il ne viendra pas, qu'une difficulté ne prendra pas le dessus sur deux facilités. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Que le hadith a kharaj al-Hakim. Cependant, il était rendu da'if par l'Albani. C'est un hadith qui a été rendu da'if par Shir al-Albani. Il veut dire quoi ce hadith? Que yani, qu'une difficulté sera de moins d'envergure que la facilité qui en viendra, qui en yani, résultera par la suite. C'est-à-dire la facilité qui viendra après une difficulté sera bien plus grande. Par exemple, là, ça c'est une faïda que Cheikh Fawzan dit. Elle a un lien avec la langue arabe. Il dit quoi dans le verset? Inna ma'al usri yusra. Attention. Donc là, il dit el usr. La difficulté avec un lif ou un lem. Pour ceux qui ont pris un peu de kitab Awal et Kutub al-Medina, ils se rappellent que alif ou lem, ils viennent pour donner un terme défini. Ma'alifa. Hein? La difficulté. Alif ou lem. Et ensuite, il vient quoi? La facilité, elle vient indéfinie. Sans alif ou lem. Nakira. Ça veut dire quoi? Qu'on ne sait pas quel en est le nombre, ni la quantité. Ça, c'est une faïda importante. Hein? Viendra de la facilité, on dira comme ça. Hein? De la facilité. Je ne sais pas comment on pourrait traduire, parce que là, c'est un truc qui revient à la terminologie en langue arabe. Tu vois-tu que si une difficulté vient, et bien par la suite, tu auras de la facilité. C'est-à-dire qu'elle sera peut-être plus grande. On ne connaît pas la quantité qu'il y aura. Et ce hadith, bien qu'il soit faible, vient pour appuyer ce sens. Que tu ne verras pas une difficulté l'emporter sur de la facilité. C'est-à-dire que la facilité qui viendra par la suite sera forcément plus considérable et plus grande et plus large que ce que tu auras subi au préalable. Et ça, c'est une bonne nouvelle, hein, qui soulage les cœurs. Non. Donc il dit والصبر حبس اللسان عن التشكي وحبس للقلب عن التسخط وحبس الجوارح عن التصرف في غير ما يرضي الله عز وجل ولهذا أمر الله نبيه أن يصبر كما صبر أولو العزم. Donc il dit que la patience, c'est le fait de retenir sa langue, de profaner des plaintes, de dire des plaintes. Tu n'as pas à te plaindre. Et le fait de retenir son cœur, de se rebeller, d'avoir une colère rebelle qui amène à ne pas agréer ce qui a été subi. Et également du fait de retenir les membres, d'agir dans ce que Allah n'agrée pas, de commettre des actes qu'Allah n'agrée pas. Et c'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à son prophète de patienter comme l'ont fait les dotés de détermination, ulul azm, qui sont ulul azm, c'est les prophètes, les messagers, qui sont les plus dotés de détermination. C'est-à-dire, tous les prophètes sont dotés de détermination, cependant, il y a un groupe d'entre eux qui ont été élevés au-dessus des autres par rapport à cela, qui sont Mohammed, alayhi salam, Isa, Nuh, Ibrahim et Youssouf, si je me rappelle bien. Youssouf. Ceux-là, c'est qui sont cités comme étant Ulul Azm. Ceux qui sont les plus dotés de détermination, car il n'y a pas un messager ni un prophète sans qu'il n'ait de azm, de détermination. Cependant, ceux-là sont les plus élevés. Hein, tilka rusul, faddalna ba'dhum 'ala ba'd. Voici les messagers, nous en avons préféré certains à d'autres, nous avons élevé certains à d'autres. C'est-à-dire qu'Allah a des messagers qu'il préfère à d'autres. Naam. Et ensuite, naam. Bon, pour finir, il parle après du sobre. Il a parlé du sobre, mais là, pareil, comme c'est un peu long, je ne vais pas le citer. Et après, il a parlé du rida, l'agrément, le fait d'agréer ce que Allah subhanahu wa ta'ala a destiné pour ses serviteurs. Que cet agrément est de deux catégories. Wajib et mustahab. Qu'il est il y en a un qui est obligatoire et l'autre qui est recommandé. Celui qui est obligatoire, c'est le fait que tu agrées ce que Allah a décrété. D'accord ? Ce que Allah a décrété pour ses serviteurs, tu dois l'agréer, c'est obligatoire. Car Allah n'a rien décrété qu'ils font un mal, il n'y a qu'un khayr, une hikmah derrière. Donc, cet agrément-là, c'est obligatoire. Quoi qu'il arrive dans le monde, ou qu'il soit sur les serviteurs en particulier ou autre, que ce que Allah a décidé que cela doit arriver, tu dois l'agréer. C'est obligatoire pour toi. Par contre, là où c'est recommandé, c'est le fait, ce qui te touche, toi, en ta personne. Par exemple, un exemple, Allah a décrété que tu deviendrais aveugle. Masalem. Masallah la afiya. Le décret d'Allah, il était obligatoire, d'accord, il était obligatoire de l'agréer, que Allah ait décidé cela. Maintenant, le fait de devenir aveugle, toi, c'est recommandé pour toi, c'est mustahab pour toi, que tu l'acceptes, que tu l'agrées. C'est pas obligatoire. Hein, comprendre, différencier entre le décret et l'action, lorsque ça s'y a lieu. Ce que Allah a décidé, c'est obligé pour que tu l'agrées. Mais ce qui t'arrive au moment où ça t'arrive à toi, soit à personne à toi, ou à quelqu'un d'autre, le fait en lui-même, il y a le qada, comme une école, il y a le qadar, il y a le qada, et ça, il t'est recommandé de l'agréer. Ce n'est pas obligatoire. Et celui qui l'agrée, se le prouve la force de son iman, sa grande foi. Hein? Et ça, c'est pas tout le monde qui atteint ce niveau-là. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse, qu'il nous rende parmi ceux qui agréent son qada, ce qui nous arrive et que nous l'agréons, malgré tout. Et cela montre comment la personne combat son ego, son nefs, qu'il arrive à agréer des choses qui en apparence sont repoussantes, détestables, effrayantes même. Et lui, il l'agrée. Et tu le vois satisfait de ce qui lui arrive. Et ça, c'est rare. C'est extrêmement rare. Naam. Fabien Delcadre. Donc de là s'achève le hadith. Il y a encore beaucoup à dire, mais bon, comme on avons dit, hein, c'est un dersh résumé. Car en vrai, chaque hadith, on pourrait venir avec un livre entier pour chaque hadith. C'est le haqiqa. Cependant, nous, on prend un dersh comme ça, au passage, histoire de profiter de faire un rappel, d'abord pour moi, et ainsi pour faire profiter à mes frères, qui n'ont pas eu l'opportunité de pouvoir apprendre la langue arabe. Et donc ce hadith-là, à bien le méditer, très important, à bien se rappeler, cette partie, surtout que nous avons pris aujourd'hui, que dans les moments d'aisance et de sérénité, de se rappeler d'Allah, de ne pas être négligent dans les actes d'adoration, car ceux-ci, on les retrouvera quand ? Au moment où on sera le plus en besoin de les avoir. Hein ? Rappelez-vous quoi ? Du hadith, justement, des trois dans la caverne, qui ont été enfermés dans une caverne, de nuit, comment ont-ils été libérés ? En se rappelant de leurs bonnes actions. Et bien cela rentre dans ce hadith. Que dans, dans des moments où ils étaient à l'aise, on va dire, dans la sérénité, ils ont commis des actes, des grands actes, pieux et sincères envers Allah. Le jour où ils ont été dans la difficulté, ils ont été enfermés dans la caverne par le rocher, ben de là, ils se sont rappelés de ces actes, et ont pris ces actes pour intercéder auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala qui les a soulagés de leur affection. Naam. Fabihada naktafi, wa naqul subhanaka allahumma wa bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.